Grand Anthony B. Dangerous. Don't watch our signs, we are. We are dangerous. Cutting razor, don't watch our signs, we are. We are dangerous. I know we are from different mother. Don't understand each other. And our color is not the same, the same, the same, the same. Learn a different culture. Earn a different paper. But it's blood run through our vein. So I tell you, say, ne déverse plus ta haine. Ce sont les mômes qui prennent, ce sont les mères qui peinent. No more war, dangerous. No more war, yeah. Ne déverse plus ta haine. Ce sont les mômes qui prennent, ce sont les mères qui peinent. No more war, dangerous. No more war, yeah. Radical, radical, partout y'a des conflits, ah non. Qui peut dire où est-ce que nous finirons? No more war. No, no, no, no more. No more war, yeah. Bestial, immoral, tout sauf religieux. Again, pour le duel des dieux, on retrouve les mêmes noms. No more war. No, no, no, no more. No more war, yeah. They drop bombs on humanity. Ils élargissent leur territoire, défendent la patrie, Lord. Still I got no fear for atomic energy. Ils font l'argent, ils créent les lois, ils contrôlent ta vie, c'est... War is not the answer. No more war. Come on. No more war, yeah. Yeah, yeah. Ne déverse plus ta haine. Ce sont les mômes qui prennent, ce sont les mères qui peinent. No more war, dangerous. No more war, yeah. Ne déverse plus ta haine. Ce sont les mômes qui prennent, ce sont les mères qui peinent. No more war, dangerous. No more war, yeah. Anthony Tally Big Red, tout le temps qu'en mission prenne le microphone pour tous les innocents dead. Yaga, yaga, yaga, yo. T'as compris, moi t'as saisi. Dis-moi que peux-tu faire toutes mes grands mots de survie face au fusil. Yaga, yaga, yaga, yo. Fallait que tout le monde raisonne. One love, we need to sponsor. Fallait que tout le monde donne. Que les gens pensent ou bien nous questionnent. S'interrogent sur la personne qui nous conduit. War is not the answer. No more war. Our size, we are. We are dangerous. Cutting rays, I know what our size we are. Big red, Anthony B, yeah. Même si le globe est rouge sang, que l'espoir part au vent. Dangerous. C'est fier, envie tranchant. Que la vraie nature revienne, j'attends. The world that we're living in today, yeah.